السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du mercredi 9 Chaban 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 27 juillet 2010 d'après le calendrier des chrétiens. On va commencer, inshallah ta'ala, une petite série de dorus sur, bien sûr, ce qui a rapport avec le Ramadan. Je vais me baser sur un petit livre de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui s'appelle Majalis ou Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Il est en arabe. Je vais essayer, yani, de traduire simultanément ce que je peux, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Avant cela, nous sommes, inshallah ta'ala, comme vous le savez, au mois de Sha'ban. Et ce qu'on doit savoir sur ce mois, c'est que il est très conseillé pour ceux qui peuvent jeûner, de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de ce mois. Il y a même des hadiths authentiques qui disent qu'il jeûnait tout le mois, du début jusqu'à la fin, et yani, l'attachait avec le mois de Ramadan. Certains savants ont dit que quand ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il jeûnait tout le mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plupart du mois. Car en arabe, on emploie le mot tout, et ça veut dire la plupart. Ils ont dit ici, c'est le même cas. Et bien sûr, leur délit, c'est quoi? C'est que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit que jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jeûné un mois en entier que le Ramadan. Donc, je reviens pour dire, il est conseillé pour ceux qui peuvent, et ceux qui veulent les récompenses, bien sûr, de jeûner pendant ce mois, tant qu'on peut. Ça, c'est la première remarque. Le deuxième intérêt et bénéfice, c'est que, le deuxième et dernier, c'est que il n'est pas conseillé de jeûner à partir de la moitié du Ramadan, de Sha'ban. Comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes combien? Nous sommes le 9. Nous sommes le 9e jour de Sha'ban. Alors, il reste 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il reste 6 jours seulement pour ceux qui veulent jeûner. Après le 15e jour, cela devient makruh, cela devient déconseillé, et pour certains, cela devient haram. Toutefois, les savants ont accepté une catégorie de gens qui peuvent faire le somme et jeûner après le 15e jour. C'est quelle catégorie? Ils ont dit, ce sont ceux qui ont une habitude. Celui qui a une habitude de jeûner, par exemple, chaque lundi et chaque jeudi. Celui qui a une habitude de jeûner, par exemple, chaque lundi, mardi, mercredi, ou quelque chose comme ça. Celui qui a une habitude de jeûner 13, 14, 15, de chaque jour, de chaque mois, et son habitude coïncide avec les 15 derniers jours, dans les 15 derniers jours, les savants ont dit, celui-là, ce n'est pas interdit pour lui de quoi? De jeûner dans les 15 jours derniers, bi-idhnillahi ta'ala. Reste une dernière chose, inshallah ta'ala, c'est en ce qui concerne le 15e jour. Le 15e jour, beaucoup de gens croient que le 15e jour a une spécificité. A une spécificité, alors que ce n'est pas vrai. Le 15e jour, c'est un jour comme tous les autres jours. C'est pour ça que certains croient qu'il est spécifique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne jeûnent rien, ils ne jeûnent aucun jour du mois de Sha'ban. Ensuite, quand arrive le 15e jour, ils vont le jeûner. Croyons que, comme j'ai dit, c'est un jour spécifique et qu'il contient beaucoup de hasanat. Si vous êtes avec moi, vous écrivez numéro 1. Non. Et en même temps, certains croient 111 dollars. Mashallah, 111 dollars. Celui-là est en train de faire des calculs. Non. Il compte ce qu'il a dans la banque. Je disais que certains croient que le 15e jour, non, ou bien ils croient qu'il est bien de le jeûner, et d'autres croient que il est bien de faire la prière de la nuit, la veille du 15e jour. Ils disent, nous sommes, yani, la veille de Nosf Sha'ban, alors, yani, il y a une spécificité, donc c'est bien de quoi? De prier toute la nuit, ou dire le Coran, etc. Tout cela, disent les savants, il n'y a aucun délit pour cela. Pire encore, cela rentre dans la bid'a, bi'idnillahi azzawajal. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ça, c'était en ce qui concerne le mois de Sha'ban. En ce qui concerne le mois de Ramadan, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a fait une introduction dans l'assise numéro 9, la 9e assise, qui s'appelle Fi Hikam Siyam, les sagesses du jeûne. Les sagesses du jeûne. Il a fait une petite introduction que je vais sauter. Ensuite, il a commencé à citer quelles sont les sagesses du jeûne bi-idhnillahi azzawajal. Donc, je vais citer la première. Bismillahirrahmanirrahim. فَمِنْ حِكَمِ الصِّيَامِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ فِيهَا إِلَى رَبِّهِ بِتَرْكِ مَحْبُوبَاتِهِ وَمُشْتَهَيَاتِهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنِكَاحٍ. Il a dit, rahimahullah, parmi les sagesses du jeûne, que c'est quoi? Que le jeûne, c'est une adoration avec laquelle le serviteur, le croyant, le musulman, se rapproche de son Seigneur, exalté soit-il. Il se rapproche comment? En délaissant les choses aimées. Non, ces choses aimées. Ses désirs, ses tentations. Tentations, désirs qui ont rapport soit avec le manger ou la haie, aussi avec le boire et aussi avec la cohabitation avec le conjoint. Ce qui nous fait apparaître donc, yani, quand il délaisse ces choses-là pour Allah Azzawajal, c'est quoi? C'est une preuve de quoi? C'est trop imané qu'il est sincère dans sa foi. Et la perfection de son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre, yani, le grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que on espère, yani, ce qu'Allah Azzawajal, yani, qu'il nous le donne. Qu'est-ce qu'on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala? On espère ses récompenses, on espère son paradis, on espère qu'il est loin de nous son enfer, on espère qu'il fasse yani, nous fasse un petit jugement, pas un grand, et comme ça. Non. فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا لَهُ إِلَّا لِمَا هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَهُ مِنْهُ. Ensuite, le chef dit, la personne en général, une personne en général, ne délaisse jamais, il ne peut jamais se passer de choses qu'elle aime et qu'elle désire, si ce n'est qu'elle les délaisse pour des choses plus aimées encore. Vous comprenez? Non. Si quelqu'un délaisse une chose qu'il aime, une chose qu'il aime beaucoup, comment se fait-il qu'il peut la délaisser? S'il la délaisse, ça veut dire que Il la délaisse pour quelque chose de mieux. Il a trouvé mieux. C'est pour ça qu'il la délaisse. Naam. Nous, pendant le jeûne, on délaisse le boire, le manger et la cohabitation. Pourquoi on délaisse ça? Naam. Parce qu'il y a mieux. C'est quoi? Ce que Allah Ta'ala va nous donner en contrepartie. Et il nous suffit qu'il nous aime. C'est tout. Si en délaissant ces choses, on parvient à avoir son amour, Azzawajal, ça suffit. Qu'en est-il maintenant s'il t'aime? Yani, il va te donner son paradis et tous les délices qu'il y a là-bas. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهوته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه. Il a dit, et lorsque le croyant a su que l'agrément d'Allah Azzawajal on ne peut arriver à l'agrément d'Allah Azzawajal qu'en délaissant les tentations et les désirs. Naam. Qu'en délaissant les tentations et les désirs qui pourtant, elles sont aimées de nous d'une façon naturelle et innée. D'une façon naturelle et innée. C'est-à-dire, nous, on aime manger d'une façon naturelle. C'est pas, yani, on a fait un stage pour, yani, apprendre à manger. D'une façon naturelle, toute personne aime manger et aime manger les bonnes choses et les choses les plus, yani, qui sont plus, yani, elles ont un meilleur goût. Naam. Et nous tous, on veut boire. Et boire aussi les choses yani, qui ont un bon goût. Et tous les êtres humains veulent la cohabitation avec le conjoint. Et pourtant, il a dit, on laisse tout ça. Naam, fataraka ashadda ma yakunu shawqan ilayha li'anna ladhata wa rahata nafsi wa rahata nafsihi fi tarki dhalika lillah 'azza wa jalla. Il a dit parce que il sait que tout cela n'est rien par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare. Nous a préparé et il sait aussi que il ne peut avoir l'agrément d'Allah Azzawajal que en contrepartie s'il délaisse ces choses-là. Car c'est une condition. Allah Ta'ala a fait comme condition. Délaisse ces choses-là et je te donne en contrepartie ce qui est mieux que cela. وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ ضُرِبَ أَوْ حُبِسَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ يَوْمًا min Ramadan bidouni udhr lam yuftar. Il a dit, et c'est pourquoi vous allez trouver que beaucoup, beaucoup de croyants, si on les frappe et on les battait, ou bien on les emprisonnait pour que ils délaissent un jour de Ramadan et ne font pas de jeûne pendant seulement un jour, ils n'accepteraient jamais, même si on les battait, même si on les emprisonnait. Ce qui veut dire que quoi? Que vraiment, yani, ça a une grande importance, le siyam, dans quoi? Dans la vie du croyant, nan, car c'est une adoration et une grande adoration, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nan. Deuxième sagesse. وَمِنْ حِكَمْ سِيَمْ Écrivez-moi numéro 1, barakallahu fikoum. وَمِنْ جَزَكَ اللَّهُ خَيْرًا وَمِنْ حِكَمْ سِيَمْ Et parmi, nan. Donc vous avez remarqué avec moi? La première sagesse, c'est quoi? La première et la grande, c'est quoi? C'est que le jeûne, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration. Naam. La deuxième sagesse. أنه سبب للتقوى. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La deuxième sagesse, c'est que le fait de jeûner est une pas une condition. Une cause, un sebeb, pourquoi? Pour yani, avoir la piété, pour atteindre le degré de la piété. C'est pour ça que il est impossible que quelqu'un ne jeûne pas et que on puisse dire de lui que c'est un pieux. Au contraire, les savants disent de celui qui ne fait pas le jeûne, ils disent de lui c'est un zindir. Vous savez ce que c'est un zindir? Un munafiq. Un zindir, quelqu'un qui a délaissé le dîn. Comme ça, ils disent de quelqu'un qui ne jeûne pas pendant le ramadan, bien sûr, on ne parle pas de celui qui est malade, du voyageur. On parle d'eux, en général, qui n'a aucune excuse et ne jeûne pas. C'est pour ça, vous avez dû remarquer que les gens ne s'étonnent pas de quelqu'un qui ne fait pas la prière. Est-ce que les gens s'étonnent que quelqu'un ne fasse pas la prière? s'étonne pas beaucoup. Mais s'il voit quelqu'un ne pas jeûner, il s'étonne de lui. C'est pas vrai. Celui-là, c'est un musulman, il ne jeûne pas. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est pour ça que, même dans certains pays, par exemple, même ici, par exemple, en Algérie, il y a des milliers de gens là qui ne font pas la prière. Des milliers qui insultent l'islam, insultent Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne bouge le petit doigt. Ça, mais si jamais l'un d'eux, par exemple, va manger pendant le ramadan en plein rue, devant tout le monde, il lui sera pas permis. Il sera même, yani, levé par la police. Et il ira au commissariat ou je ne sais pas où. Non, tout le monde sait que ne pas jeûner chez les musulmans, c'est vraiment, yani, quelque chose de grave. Non. Barakallahu fikoum pour ceux qui peuvent en même temps être en islam. Non, juste pour que le salon ne soit pas, yani, en dernière position, ni pour que les gens de la bida ne soient pas au-dessus de nos têtes. Non, les gens donnent beaucoup d'importance au nombre dans les salons. Quand ils voient un salon comme ça, en section islam, tout à fait en bas, ou bien dépassé par les gens de la bida, ils disent donc les gens de la bida, ce sont eux qui ont raison, ils sont nombreux. Comme ça, ils pensent. Et nous, on doit yani, prendre en considération la façon avec laquelle ils pensent, même s'ils sont faux. Donc là, tu as la qu'a-t-il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, kutiba alaykumus siyam. Il vous a été ordonné de jeûner, kama kutiba alladhina min qablikum. Comme il a été ordonné à ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun. Voici la cause. Pour que vous deveniez pieux, pour avoir la piété. Et remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de ce verset, nous a montré quoi? Nous a montré que le siyam, le jeûne, a été aussi ordonné à ceux qui nous ont précédés. Autant de Isa alayhi salam, Jésus, autant de Moussa, Moïse, autant de tout cela, ils faisaient le jeûne. Donc, même nous, en parlant de nous, les Sahaba nous ont précédés, les Tabi'in nous ont précédés. Donc, ça te permet de quoi? Ça te permet de te consoler. Si tu vas dire que c'est difficile de jeûner, on va te dire, mais tous ceux qui t'ont précédé ont jeûné avant toi. Et pourtant, ils ont jeûné dans des conditions vraiment difficiles. Nous, on jeûne, mashallah, avec le climatiseur, avec le frigo, yani les boissons glacées, les glaces à la fin, toutes sortes de fruits, je ne sais pas quoi, combien de plats. Alors que, yani, peut-être tout juste, s'ils mangeaient yani, une soupe, c'était yani, beaucoup pour eux. Sans parler de la chaleur et sans parler des conditions vraiment déplorables. Non. Il a dit, il a dit, le jeûneur, hein, il lui a été ordonné de quoi? De faire les obligations et de délaisser les péchés. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Bukhari. Qu'a dit le prophète, alayhi wa sallam? Il a dit, celui qui, c'est-à-dire pendant le jeûne, ne délaisse pas qawl az-zur ou l'amal bihi, ne délaisse pas la mauvaise parole, nam, et les choses qui sont pas bien, ou l'jahl, nam, et le mauvais comportement aussi. Il a dit, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Il a dit, celui-là, yani, il y a plus de différence maintenant entre lui et celui qui ne délaisse pas son manger et son boire. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre celui qui jeûne et qui a un mauvais comportement et dit des choses qui ne sont pas bien, etc. Il n'y a pas de différence entre lui et celui qui n'a pas jeûné. Pourquoi? Car jeûner doit te différencier des autres. En jeûnant, tu t'es mis dans un statut plus haut que celui qui n'a pas jeûné. Tu as escaladé des échelons. tu es devenu quelqu'un de pieux, masha'Allah. Naam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré aussi que quoi? Que, il a dit, si quelqu'un, quand vous faites le jeûne, naam, vous insulte par exemple, vous dit des choses qui sont pas bien, naam, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire, inni mro'un sa'im. Je suis quelqu'un qui a jeûné. Je suis quelqu'un qui a jeûné. Naam. Pourquoi? Pour qu'il sache que, naam, je ne suis pas comme toi. Toi, tu es un djahel, tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Tandis que moi, je suis quelqu'un qui a jeûné aujourd'hui, je ne vais pas répondre à ton ignorance par de l'ignorance. Et parmi les sagesses aussi du siyam, أن القلب يتخلى للفكر والذكر. أن القلب يتخلى للفكر والذكر. La troisième sagesse du siyam, c'est que quand on jeûne, non, le cœur se vide pour yani, uniquement pour dhikr Allah subhanahu wa ta'ala et pour yani, la méditation. La méditation. Non. لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. Il a dit parce que le fait de, yani, de, disons, d'abdiquer, le fait d'abdiquer à ses tentations et à ses désirs, qu'est-ce que ça donne? Il a dit, ça donne une distraction dans le cœur. On devient distrait. Puis ghafla, naam. Et, ça peut même, dit le cheikh, ça peut même durcir le cœur, et ça peut même aveugler les yeux de façon à ce qu'on ne voit pas la vérité. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخفيف من طعام الشراب. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et orienté aussi à quoi? À alléger. Alléger, le manger et le boire, c'est-à-dire de ne pas en prendre beaucoup. Naam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Mamala ibn Adam wi'a'a shar min batn. Il a dit, il n'y a pas pour l'être humain, yani un récipient que s'il remplit, un récipient que s'il remplit, c'est vraiment du mal, comme il a dit, le ventre. Le ventre, c'est le récipient que si on le remplit à fond, c'est vraiment yani, le plus mauvais récipient qu'on a rempli. Il a dit, Bihasbi ibn Adam, il a dit, que suffisent à, au fils d'Adam, l'Uqaymat, quelques bouffées, quelques petites bouffées comme ça, qui lui permettent de se maintenir. Maintenant, s'il est obligé, yani de manger plus, alors qu'il fasse un tiers pour s'en manger, un tiers pour s'en boire et un tiers pour yani nafsihi, pour lui. Naam. Hadith rawa Ahmed. Naam. طيب وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه et dans صحيح مسلم que ce grand sahaba حنظلة رضي الله تعالى عنه est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, nafaqa handala. Il lui a dit, je suis devenu hypocrite. Alors le prophète lui a dit, wa madak, qu'est-ce que tu dis, handala? Qu'est-ce qui a fait de sorte que tu sois devenu hypocrite? Comment yani, tu t'es basé sur quoi pour dire cela? Il a dit, ya Rasulullah, nakunu indak. Lorsqu'on est chez toi, ya Rasulullah, tudhakiruna bin nari wal janna. Yani, tu nous fais le rappel sur le paradis, non, mais sur l'enfer, jusqu'à ce que c'est comme si on les voyait devant nous. Maintenant, lorsqu'on sort de chez toi, on va maintenant s'occuper yani, avec nos femmes, nos enfants, et yani, on dépasse les limites. Et il a dit, alors, on oublie tout ce que tu nous avais dit quand on était avec toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ولكن يا حنظلة لو دي أنت خطر يا حنظلة ساعة وساعة إذا دي نعم يعني الإيمان هذا سي يعني ساعة في ساعة نعم أن مومون tu sens mashallah, et un moment, yani, tu te sens un peu faible, et comme ça. C'est-à-dire, tu te lèves et tu tombes, tu te lèves et tu tombes, jusqu'à ce que tu arrives où tu arrives, yani, dans la tombe. Il est impossible que tu restes comme ça tout le temps debout, yani, sans épreuve, sans faiblesse, sans rien, jusqu'à. Tu ne peux pas, yani, ce n'est que yani, les anges qui sont comme ça. Les anges n'ont pas de faiblesse. Même les messagers, il leur arrivait de tomber malade, il leur arrivait d'être ensorcelé, il leur arrivait, yani, beaucoup de problèmes. Non. Donc, c'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami', non, où il est dit, je vous donne à peu près son sens, il est dit que le musulman, c'est comme l'épi de blé. C'est comme le blé. Vous voyez l'épi, il a dit, il est debout. Ensuite, quand vient le vent, il le fait rabaisser. Il a dit, jusqu'à ce qu'il arrive au sol. Ensuite, dès que le vent passe, qu'est-ce qui se repasse? Qu'est-ce qui se passe? L'épi se redresse. Il a dit, donc, en parlant du musulman. Le musulman, c'est quoi? C'est comme un épi. En principe, il est debout. Masha'Allah. Il a la foi, l'iman, la science, l'ilm, masha'Allah, debout. Ensuite, des fois, il y a le vent. Le vent, c'est quoi? C'est les épreuves. Les fitna, les. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il, naam, les fitna, qu'est-ce qu'elles font de lui? Elles le rabaissent, naam. Et, subhanallah, il se courbe. L'épi se courbe jusqu'à presque toucher le sol. Mais est-ce que l'épi se casse? Il ne se casse pas, alhamdoulilah, c'est ça la faveur qu'a donné Allah Ta'ala aux musulmans. Dès que le vent passe, les fitna passent, les épreuves passent, et voilà que l'épi se redresse, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Quant au kafir, qu'a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, quant au kafir, c'est comme un pin. Vous connaissez l'arbre, le pin, le sapin. Comme le sapin, c'est plus long et plus grand. Le pin. Il a dit, aucun vent ne peut influer sur lui. Le pin, même s'il y a le vent le plus puissant, il ne va pas yani, influer sur lui. Il reste toujours comme ça debout. Jusqu'à ce que ça soit quoi? Comme a dit le prophète, jusqu'à ce que il soit déterré de la terre. Par exemple, un tremblement de terre, classe, il n'y a plus ce pin. Ou bien la terre s'ouvre et le pin rentre à l'intérieur. C'est comme ça. Mais pour que il se courbe jusqu'à toucher la terre, il ne se courbe pas. Donc, notre avantage, c'est quoi? Notre avantage, c'est que, alhamdoulillah, on se courbe, mais toujours on se redresse, bi'idhnillah ta'ala. Alors que le kafir, non, il est tout le temps debout, tout le temps, mashallah, tout le temps, il n'a pas de problème, il a de l'argent, il a tout. Rien ne lui arrive. Et un jour, tu entends où est-ce qu'il est? Là, c'est terminé pour lui. Là, un cancer, il est 2, 3 jours, il est parti. Non. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on disait ici? Non. Donc on parlait de quoi? La deuxième sagesse ou la troisième, c'était que yani, le fait de jeûner parmi les sagesses du jeûne, c'est quoi? C'est que quand on vide le ventre, en quoi? Donc on vide le cœur. On vide le cœur. Et on commence yani, à méditer. Et le cœur, non, puisque le ventre est vide, donc yani, il n'est pas maintenant, il n'est pas yani, occupé par ce qu'il y a dans le ventre. Mais le cœur est occupé à yani, penser à autre chose et à méditer à autre chose. Voilà, le fait de vider le ventre vide également le cœur et le libère. Il le libère pour qu'il fasse sa fonction qui est méditer, méditer yani, sur Allah subhanahu wa ta'ala et son univers. Non, son univers. Et comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des savants à travers le monde, depuis que l'islam existe, la plupart des savants, disons jusqu'à 98%, la plupart des savants sont des gens maigres. Ce ne sont pas des gens qui sont obèses, ou bien qui sont gros. Sauf, bien sûr, ceux qui sont nés comme ça, si c'est, disons, une maladie ou la héréditaire. Sinon, nam, pour la plupart, vous les trouvez minces, nam, et faibles aussi, yani, physiquement. Pourquoi? Parce que ils font beaucoup de jeûne, ne mangent pas beaucoup, mangent juste un peu, naam, mangent juste un peu, naam. Ils savent que manger beaucoup, ça te permet de quoi? Ça te permet d'aveugler ton cœur. Et dites-moi, vous n'avez pas remarqué que quand on mange beaucoup, beaucoup, jusqu'à yani, vouloir vomir. Naam. Est-ce que par exemple quelqu'un qui a terminé de manger, qui a mangé beaucoup, jusqu'à il n'a plus où mettre yani, la chose, est-ce que celui-là, par exemple, quand il termine, par exemple, il va méditer sur Allah au paradis, il va méditer sur le paradis, l'enfer, il va dire donnez-moi le Coran, je veux le lire. C'est impossible, ça ou là, non, c'est impossible. Même chez nous, ici en Algérie, on a une sorte de proverbe, comme ça, un dicton, qui dit en arabe, je vais vous le donner aussi en français, qui dit, et ceux qui ont l'arabe vont le comprendre, il dit, el-kirsh, ida shabat, troll ras ghanni. El-kirsh, ida shabat, troll ras ghanni. Le ventre, quand il devient plein, il dit à la tête, chante. Le ventre, quand il devient plein, qu'est-ce qu'il dit à la tête? Il dit, viens, on va lire le Coran là. Il lui dit, chante. Commence à nous chanter maintenant et à danser. Non, pourquoi? Parce que le ventre est plein. Akhlas, le cœur ne voit plus. Et le cœur lui aussi, il est sourd. Il est devenu sourd lui aussi. C'est plus ce qui se passe, il est aveuglé. Je parle de ceux qui mangent beaucoup et qui dépassent les limites, bien sûr. Je me souviens une fois quand j'étais au Koweït. Nam. J'ai été invité par quelqu'un et ce quelqu'un a invité un savant que beaucoup de vous connaissent qui s'appelle Rouhaili. Rouhaili, Hafidhahullah, hein, c'est quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite. Nam. Il a beaucoup de livres surtout le takfir, etc. Nam. D'ailleurs, sa thèse de doctorat, je crois que c'était dans le yani, réplique au takfiri, etc. Nam. Et c'était la première fois que je l'avais rencontré. On était trois ou quatre, nam, à manger ensemble et il y avait entre nous Ar-Ruhaili, Hafidhahullah. Celui qui nous a invités, ce jour-là, déjà les Koweïtiens, quand ils invitent quelqu'un, déjà, yani, ils exagèrent. Quand ils invitent quelqu'un de simple. Qu'en est-il quand ils ont invité un savant? Subhanallah al-Azim. Donc il y avait des choses, yani, ça prendrait du temps si je commençais à vous dire ce qu'il y avait. Entre autres, yani, un grand poisson, entre autres, des choses, beaucoup de choses. Mais ce qui m'a étonné ici, ce qui a rapport avec le cours, c'est que le cheikh, hafidhahullah, yani, n'a touché qu'à tous les plats qu'il y avait, il n'a touché qu'à un ou deux plats, et seulement deux ou trois bouffées comme ça. Il y en a deux ou trois fois ici, deux ou trois fois ici, c'est arrêté. Subhanallah. Yani, nous tous, on s'est étonnés. Même yani, le propriétaire de la maison s'est étonné. Je ne sais pas combien yani, il a payé yani, pour ce plat-là. Bon, pas ce plat, ces plats. Hein? Subhanallah, il a tout juste goûté et il s'est arrêté. Il a dit, moi, si c'était moi, j'aurais tout mangé. Non. Et si c'était moi, j'étais présent, comment j'ai fait? Moi, si j'avais pu, j'aurais dit à le propriétaire, cherche un sachet et prends tout ce qui reste, mets-le-moi dans un sachet, je le prends chez moi à la maison. Alors, je suis plus que toi, tu vois. Al-Muhim, c'est pour vous dire que, yani, salaf et des savants, etc., ne mange que peu, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, autre chose, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari. Un hadith dans Sahih al-Bukhari. Où le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, je vous donne à peu près le sens. Il a dit, trois personnes, une personne de Quraysh et deux autres de Thaqif. Une autre tribu. Ça fait trois. Il a dit, se sont rassemblés autour de la Kaaba. Regardez ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud. Trois personnes, une personne de Quraysh et deux de Thaqif, se sont regroupées autour de la Kaaba, rassemblés. Qu'est-ce qu'il a dit d'eux en les décrivant? Il a dit كثيرة لحم شحومهم عفوا كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. Allahu Akbar. Regardez qu'est-ce qu'il a dit en les décrivant. Il a dit trois personnes se sont regroupées autour de la Kaaba. Ensuite, il a dit qu'est-ce qu'ils ont ces trois personnes? Il a dit كثيرة nombreuses كثيرة ou la nombreux شحم بطونهم nombreuses étaient ou la grande était la graisse de leur ventre. La graisse de leur ventre. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite, juste après? Qalilatun fiqhu qulubihim. Et très peu et très petite était, yani, la compréhension et le fiqh de leur cœur. Naam, la science, si je puis dire, la compréhension d'Allah Ta'ala. Très petite, il a dit. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il avait dit? Très grande était la graisse de leur ventre. Et très petite était, yani, leur science ou la, leur foi ou là, quelque chose comme ne marche pas ensemble. Si on a beaucoup de graisse qui est venue de beaucoup de le fait de manger beaucoup, de boire beaucoup, etc., ça donne que, yani, on a une compréhension de l'islam, on a une science, on a très petite, très faible. Les deux ne marchent pas ensemble. Comme disent les savants, à part bien sûr ceux qui ont une maladie et ceux qui sont malades d'obésité, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de celui qui a été la cause lui-même, qui mange à toute heure, mange beaucoup, yani ne jeûne jamais, il ne prie pas la nuit, etc. jusqu'à ce qu'il soit devenu obèse. Celui-là, c'est lui qui s'est rendu comme ça. Naam. Tayyib, wa min hikam siyam. Il a dit. Et ça rentre dans la sagesse aussi du jeune. Qu'est-ce qui rentre aussi? Il a dit "En al-ghaniya ya'rifu bihi qadra ni'mati Allah 'azza wa jalla 'alayhi bil-ghina, haythu an'ama Allah 'alayhi bit-ta'am wa sharab an-nikah wa qad hurima kathirun min al-khalq fayahmadu Allah 'ala hadhihi an-ni'ma wa yashkuru 'ala at-taysir." La quatrième sagesse, c'est que avec le jeune, le riche va connaître la grande grâce d'Allah Azzawajal sur lui. Naam, en lui donnant la richesse. Car maintenant il va manger, boire, cohabiter avec sa femme. Alors que beaucoup de gens n'ont pas cette chose. Naam, beaucoup de gens n'ont pas cette ni'ma. Beaucoup de gens, lorsqu'ils jeûnent, ils ne trouvent pas quoi manger. Beaucoup de gens, lorsqu'ils jeûnent, ils ne mangent au maximum une soupe et du pain. Beaucoup de sahaba, si ce n'est pas la plupart des salafs, en leur temps, quand ils jeûnaient, c'était un peu de dattes et un peu de lait. Un peu de dattes, un peu de lbn. Non. Une soupe au maximum. Un peu de pain, un peu d'eau. Maximum. Non. Donc toi maintenant, si tu es riche, mashallah, tu vas manger 5 ou 6 plats, subhanallah. Je ne sais pas combien. Une fois, regardez, je vais. Ça me rappelle une chose. Regardez, une fois j'ai été au Hajj avec des Koweïtiens. J'ai été au Hajj avec des Koweïtiens, subhanallah. C'était mon premier Hajj. Là, je suis parti avec des amis, des Koweïtiens qui m'ont invité, je suis parti. Là-bas, yani, ils ont tout qui est préparé. C'est-à-dire, ils prennent avec eux des servants, ou là, comment ça s'appelle, des servantes, des kadam, bon, des hommes. Je sais pas comment on appelle ça. Des cuisiniers, et le soir, bien sûr, ils mettent ce qu'on appelle buffet. Eux, ils disent bouffer, ils disent comme ça. Donc, on dit buffet, c'est-à-dire que chacun se sert lui-même. Tu passes avec ton assiette et tu prends, par exemple, de ceci, de cela, et tu passes. Une fois seulement, une fois, j'ai dit, maintenant, je vais essayer de compter, yani, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils mettent tellement, yani, vraiment, vraiment, c'est exagéré. Une fois, j'ai compté seulement combien qu'il y avait de variétés de salades seulement. J'ai trouvé qu'il y avait 18 ou bien 14. Maintenant, je doute si c'était 14 ou bien 18 sortes de salades seulement. Subhanallah, je les ai comptées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, J'ai oublié si c'est 14 ou les 18 sortes seulement de salade. Ensuite, il y avait la viande de la gazelle, la viande de Wesma, même les pigeons, il y avait, subhanallah, la viande des pigeons, la viande normale, la viande du bœuf, la viande subhanallah, des sortes, yani, je me rappelle maintenant même pas, tellement c'était varié, tellement c'était trop exagéré. Non. Regardez maintenant, je veux vous dire que, regardez comment maintenant nous on mange et comment eux ils mangeaient autrefois. Ensuite, on va dire pourquoi yani, ma foi est faible, pourquoi yani, je n'apprends pas vite, pourquoi je ne mémorise pas vite, pourquoi yani, mon cœur je le sens comme si yani, il était aveugle et comme ça. Surtout ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, ni lundi, ni jeudi, ni 13, 14, 15, ni rien, seulement au Ramadan. Cela vraiment, yani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous aide et nous ouvre, yani, la porte du jeûne, la porte du jeûne, tellement c'est bénéfique. Naam, j'ai dit ici que le riche, naam, en jeûnant, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma qu'Allah ta'ala lui a donnée, et qu'il sache que beaucoup de gens n'ont pas cette ni'ma. Et il reste enfin, là, aussi, parmi les sagesses du jeûne, que quoi? Que, yani, on apprend, là, et il a dit, tamarron, c'est-à-dire, c'est pas on fait des exercices, on s'entraîne. On s'entraîne à quoi? À maîtriser son nefs. À maîtriser son nefs. Ton nefs, si tu la laisses, c'est elle qui va te commander. Et si tu la laisses, elle ne va pas s'arrêter du matin au soir de te dire donne-moi à manger, donne-moi à boire et donne-moi autre chose. Et si c'est possible, elle te demande donne-moi même toutes les choses qui sont haram, si c'est possible. Donc, en jeûnant, tu apprends à ton nefs que quoi? Que c'est toi qui commandes, ce n'est pas elle. C'est moi qui commande. Tu n'as pas le droit de manger. Non. Tu n'as pas le droit de manger du lever du soleil jusqu'au coucher. Tu n'as pas le droit de cohabiter avec le conjoint du début du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et comme ça, non, je te, yani, c'est moi qui commande, c'est pas toi qui commande. Au moins pendant ce jour où j'ai jeûné, c'est moi qui te commande aujourd'hui. Non. Donc, c'est, yani, parmi ses sagesses, on s'entraîne à maîtriser son nefs. Non. Parmi ces sagesses aussi, c'est quoi? من حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق. نعم il a dit aussi parmi les sagesses du siyam c'est de yani casser de casser نعم l'orgueil du nefs et sa vanité sa grande vanité. Il a dit car la personne quand elle boit beaucoup elle mange beaucoup نعم elle se rassasie et نعم elle cohabite beaucoup avec. Il a dit tout cela, elle pousse la personne à devenir vaniteuse et orgueilleuse. Non. Vous voyez, quand quelqu'un mange beaucoup, quand il termine, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher, à frapper son ventre. Ah, oh, mashallah, j'ai le ventre plein. Ah, oh, mashallah. Non, il se sent, yani, quelqu'un alors qu'il n'est rien. Non, alors qu'il n'est rien. Donc, il dit ici que ça te permet de casser l'orgueil, de la vanité, non, du nefs. Non. Et il a dit, parmi aussi les sagesses, parmi aussi les sagesses du jeûne, c'est que, nam, ça permet de quoi? Ça rentre aussi dans le nefs, ça permet d'amincir, si je puis dire, d'amincir, nam, les issues du shaitan. Les issues du shaitan. Car vous savez que, comme a dit le prophète, il a dit, le shaitan court dans les veines, comme le sang. Non, court dans les veines. Donc moi, pour que le shaitan, non, je le coince, non, pour qu'il ne coule pas dans mes veines, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter, pourquoi? Pour faire le saum. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô vous les jeunes, non, celui qui peut de vous, qu'il se marie. Et celui qui n'a pas les moyens de se marier, alors qu'est-ce qu'il fait? Non, Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il fasse le siyam? Naam, qu'il fasse le siyam. Donc vous voyez, la solution pour ceux qui ne peuvent pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le siyam, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour yani, amincir les issues du shaitan et éloigner de lui le shaitan. De ce hadith aussi, les savants ont pris quoi? Ont pris que il était interdit de quoi? De comme font certains ignorants, qu'est-ce qu'ils font? Et ceux qui veulent yani, atteindre la jouissance, ils atteignent la jouissance yani, personnellement, non, avec leurs mains. Le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Ibn Hajj, dans Fath al-Bari, il a dit, le prophète a dit qu'il jeûne s'il ne peut pas se marier. Il n'a pas dit qu'il aille faire la chose comme ça avec sa main. Il a dit non, qu'il jeûne. Donc ils ont dit, voilà une preuve que le fait de faire la chose comme ça, c'est quoi? C'est interdit. Naam. Wa min hikam siyam. Restreindre les issues du shaitan. Naam, c'est très bien. Wa min hikam siyam. Naam. Et enfin, parmi les sagesses du siyam, c'est quoi? C'est la santé, masha'Allah. Certains croient que quand on va jeûner, yani, je vais devenir malade et faible. Alors que c'est, subhanallah, tout à fait le contraire. Naam. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, ce sont les gens, bi'illah ta'ala, les plus forts, les plus solides, même s'ils paraissent minces. Et ils paraissent pâles, ils paraissent émaciés à cause du siyam. Mais en fait, ils ont des os. Leurs os sont plus durs que nos os. Nos os, ce sont des os de fils à maman. Quelqu'un qui ne mange que le yaourt et ne mange que le fromage du matin au soir. Alors que ils ont des os vraiment yani, forts, vraiment durs, à force de yani, vider le ventre, à force de jeûner, à force d'endurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala leur donne cette force, subhanallah. Et ici, je profite pour dire que deux choses. La première, il y a un hadith qui dit, il y a un hadith qui dit, faites le jeûne, vous deviendrez fort. C'est un hadith très connu. La plupart des musulmans citent ce hadith. Quoique, et c'est ça la première remarque, quoique ce hadith est un hadith faible. Rappelez-vous de ça, le hadith qui dit, faites le jeûne, jeûnez, vous deviendrez fort ou là, il y a un état séchou. Vous serez mieux en bonne santé. C'est un hadith faible. Par contre, un hadith Hassan, Cheikh Nasser rahimahullah a dit, c'est un hadith bon, qui dit quoi? Il dit, Safiru tasihu. Voyagez, vous deviendrez fort. Vous serez en bonne santé. Voyagez, vous serez en bonne santé. Et ce n'est pas jeûner, vous serez en bonne santé. Mais le fait de jeûner, ça donne de la santé. C'est prouvé. Prouvé, même si le hadith est faible. Mais le sens est vrai et juste que lorsqu'on jeûne, on devient fort. La même chose pour lorsqu'on voyage. Et pour le voyage, il y a un hadith, bien sûr. Et autre chose que je voudrais dire, on a cité la première sagesse du jeûne et on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était une adoration. Le jeûne, c'est d'abord, avant tout, une adoration. Quelque chose qu'on fait pour yani, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants disent, et c'est ça la deuxième remarque, et avec laquelle je vais terminer. Les savants disent, c'est vraiment une grande faute lorsque on va faire la da'wa aux gens, ou bien aux mécréants, ou bien à ceux qui veulent rentrer en islam, ou bien à ceux qui veulent comprendre l'islam, c'est vraiment une grande faute lorsqu'on leur explique l'islam, yani, au lieu qu'on leur explique qu'il y a toujours une adoration. Derrière cela, on leur explique seulement que yani, c'est bien pour la santé, c'est bien pour ceci, c'est bien pour cela. Il a dit tout cela, c'est faux en islam. Certains gens, quand ils expliquent par exemple aux gens c'est quoi le siyam, ils ne leur disent pas d'abord c'est une adoration. Tu dois délaisser ça du matin au soir pour Allah. Tu prouves que tu abdiques à ses ordres. Il t'a donné un ordre, tu le fais. C'est une adoration. Les gens disent non, le siyam, c'est bien pour le ventre, tu vides ton ventre, yani, ça te permet de devenir léger, ça te permet de courir, et ils n'attachent pas, ils ne font aucune relation avec yani, l'adoration et avec la piété. les savants disent ça, c'est une grande faute. C'est comme certaines aussi, on leur dit c'est quoi la salat? La salat. Tu dis la salat, c'est un sport. Non. Tu fais un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut, ensuite tu te prosternes. C'est bien pour le dos, tu t'assois entre les deux. C'est bien pour respirer, tu te prosternes. C'est bien pour les dos, c'est bien pour les reins, c'est bien pour. Et il va te faire croire que c'est un sport. Et j'ai dit, ça c'est une grande faute. On doit dire aux gens que, bien sûr, si yani, la salat, si le siyam, yani, ça comporte de bonnes choses, c'est aussi un sport aussi. Mais avant tout, c'est quoi? C'est une adoration. Hein, c'est une adoration. Si on l'a fait, on a ajr. Si on ne l'a fait pas, on a des soucis. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On se voit après, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Il a appris à la salat al-Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes là, les admins? Alhamdulillah. Non, donc je vais lire les premières questions, Inch'Allah. Alors, question 2. Ah, tfadal, cher. Tfadal. Non. Si tu te souviens, inshallah ta'ala, que on devait répondre à 5 personnes. Non, on avait laissé 5 questions de côté. On avait dit que, promis que le prochain cours, on commençait par ces 5 questions. Est-ce que tu as toujours les 5 questions? Ça, c'est la première. Et la deuxième question, on va répondre aux 5 questions. Si tu les as, à condition que les personnes sont présentes, inshallah ta'ala. Deuxièmement. Troisièmement, maintenant, on me passe les questions des autres. Si les 5 questions ne sont pas là, ou bien les 5 personnes ne sont pas présentes, alors essaye de commencer par celles qui ont rapport avec le siyam, inshallah ta'ala. Tfadhal. Non, cher Sahel, je me rappelle pour les questions. J'avais enregistré un fichier, il faut que je le retrouve, Inch'Allah. Donc là, je vais essayer de retrouver le fichier avec les questions. Mais pour pas perdre de temps, Inch'Allah, je vais passer directement aux questions. Par contre, il m'est difficile, cher, de savoir si les personnes sont présentes. Car les questions sont envoyées par le site et les pseudos sont souvent différents des pseudos des personnes sur la room. Donc, Inch'Allah, je vais directement lire les questions parce que je ne peux pas savoir s'ils sont là ou pas. Alors, question de Rodouane 13. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Nuhibbukum fillah. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu participer à vos dorous, mais alhamdoulilah, j'ai pu ce soir. Qu'Allah récompense vos efforts, ceux des admins et ceux de mes frères et sœurs dans le salon, dans leur quête de la science. Ma question porte, Inch'Allah, sur Taouba. Elle porte plus précisément sur les premiers cours que vous avez faits l'année dernière sur l'explication de Riyad Salihin. Vous aviez en effet dit que la Taouba comportait 5 conditions, dont l'une d'entre elles était de s'éloigner immédiatement du péché. Vous aviez alors présenté les 2 sortes de péchés qui existent, à savoir celui de délaisser les obligations et celui de faire les interdits. Et vous aviez dit alors que pour ce premier cas de figure, donc ne pas faire les choses obligatoires, une condition de la Taouba consistait à faire dès à présent les choses obligatoires. Vous avez cité pour cela l'exemple de celui qui ne s'est pas acquitté de la zakat et vous aviez dit qu'une condition pour que la Taouba soit acceptée est qu'il fasse la zakat toutes les années où il ne les a pas faites. Ma question, Inch'Allah, est la suivante. Qu'en est-il de celui qui a délaissé la prière et où le siyam dans sa jeunesse, alors que ses parents lui ont inculqué cela et lui ont dit que c'était obligatoire. Doit-il rattraper toutes ses prières obligatoires et ou siyam? Si oui, comment doit-il faire, Inch'Allah, ou comment doit-il, Inch'Allah, procéder pour savoir le nombre de prières manquées ou siyam? Et quel est le délai dont dispose la personne pour rattraper cela? Enfin, je voudrais savoir, Inch'Allah, toujours lié à cette question. Est-ce que le repentir de cette personne est accepté si la personne commence à rattraper ses prières au Siyam, mais qu'elle meurt entre-temps, sans avoir fini, donc ce qu'elle devait rattraper? Barakallahu fikoum, Cheikh, pour toutes vos précisions. Now, tfadal, Cheikh. طيب الأخ مسلم tu m'avais bien entendu, j'avais dit que si c'était possible, on commençait par les questions qui ont rapport avec le Siyam, qui ont rapport avec le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions qui ont rapport avec le Siyam? Barakallahu fi. Non, cher, donc au niveau des questions sur le CIEM, donc je regarde très rapidement. Cher, apparemment, je n'ai aucune question sur le CIEM. Aucune question. Ah non, mais il y en a peut-être une là. Non, mais j'en ai une, cher. Alors sur le CIEM. Question de Omar. Salam alaikum, cher. Si on n'a pas l'habitude de jeûner le lundi et jeudi, et qu'on jeûne quelques jours parmi les 15 premiers jours de Chaban, est-ce qu'on peut jeûner après parmi les 15 autres jours ou non? Barakallahu fikoum. Et je pense que c'est la seule. Non, monsieur, moi c'est la seule que j'ai. Donc je reprends la suite des questions, Inch'Allah. Donc question de Safiya. Qu'Allah vous récompense en bien cher, est-il permis d'ouvrir un compte livret A, sachant que j'ai déjà un compte courant? Non, donc sachant que le cher ne connaît pas les livrets A et c'est pas les mêmes principes en Algérie et en France. Un livret A, Allahu, c'est un livret avec des intérêts, un compte avec des intérêts. On met de l'argent de côté, on épargne de l'argent et il travaille le compte. Donc c'est riba. Livret A, A cher, la lettre A. Naam, A, livret A. Mais c'est un compte en fait cher où on épargne de l'argent et elle travaille. Donc ça c'est clair, c'est riba. Question de Bilal. Barakallahu fikoum cher pour toute la science que vous nous apportez. Quel est l'avis le plus juste concernant la manière de se relever après la deuxième prosternation? Est-ce qu'il est bon de s'asseoir puis se relever ou bien de se relever directement? Jazakumullahu khairan, cher. Question anonyme. Salam alaikum. Une sœur demande. J'habite avec mon mari dans le sud, ma famille habite dans le nord. Et mon mari n'a pas les moyens de m'emmener là-bas en vacances. Est-ce que je peux inviter ma sœur et mon frère quelques jours chez moi en sachant qu'ils iront à la plage et se mettront en maillot de bain les deux et qu'après ils m'emmèneront voir ma famille dans le nord? Barakallahu question de Samir. Assalamu alaikum. Je vous écris au sujet d'une sœur qui a perdu sa mère il y a moins d'un. Ah ouais, afwan. Ouais, parce que j'avais passé ça, cher. J'avais passé la question du siam. Tfadal, cher. Alhamdoulilah. Le son est bien. Le son est bien. Alhamdoulilah. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour la première personne et question qui avait parlé de la Tawba. Et j'avais dit que une personne qui ne donnait pas la zakat et savait que c'était obligatoire de la donner, si elle veut faire Tawba, elle doit donner la zakat de toutes les années où elle n'a pas donné, si elle a les moyens, bien sûr. Maintenant, il parle pour la salat et le siyam. La salat et le siyam n'ont pas le même statut. Même le statut du siyam est différent du statut de la salat. Le siyam, les savants disent, si c'est seulement quelques jours, il a raté quelques jours, un mois, disons 2 mois, hein, des choses qui peuvent se faire comme ça. Ils ont dit ça rentre dans la piété de rattraper le passé. Si c'est seulement quelques jours ou disons quelques mois. Mais si c'est des années, ce n'est plus possible dans ce cas. Dans ce cas, il doit faire beaucoup de nafila dans le siyam. Nam, yani, lundi, jeudi, nam, 13, 14, 15, Ashura, Tessoua, et comme ça. À chaque fois qu'il y a une occasion, il fait un siyam Bi-idhnillahi ta'ala. Quant à la salat, l'avis le plus juste, c'est aussi de faire les nafilas et de ne pas les rattraper. Et de ne pas les rattraper. Pourquoi? Parce que il les a délaissés sans excuse. Et quand on délaisse une salat sans excuse, ce n'est plus la peine de la rattraper car elle ne se rattrape pas. Mais il doit faire aussi des nafilas. Naam. 12 par jour de surérogatoire. 10 autres, par exemple, par jour. Nafila mutlaqa qui n'est pas sur, qui n'est pas, où est-ce mot? Qui n'est pas ratiba. J'avais dit 12 ratiba. Par exemple, ces 12, il ne les délaisse plus jamais. Et de temps en temps, il ajoute 4 autres, comme ça, 6, 10, pendant la journée, pendant la nuit, même, pour rattraper les salats yani, manquées pendant la jeunesse. Sinon, ça ne se rattrape pas. Et quand on dit ça ne se rattrape pas, ce n'est pas parce que ça n'a pas d'importance. Une chose qui n'a pas d'importance, ce n'est pas la peine de la rattraper. Elle n'a pas de valeur. Au contraire, tellement elle a de la valeur qu'il est impossible de la rattraper. Elle n'existe qu'une seule fois. Elle est partie pendant son moment, c'est terminé. Par exemple, disons, je donne un exemple, le 12 avril 1988, on a dit, le 12 avril 1985, il y avait Salat al-Dhuhr. Et maintenant, classe, on n'est plus le 12 avril 1985, on n'est plus Salat al-Dhuhr, tu n'as pas Salat al-Dhuhr de ce jour-là, elle est partie. Classe, c'est impossible de la rattraper pendant un autre jour qui n'est pas son jour, yani, ni un mois qui est son mois, classe, ni une année qui est son année. Mais on fait une nafila, inshallah ta'ala. Pour la deuxième question qu'il avait dit, pour la personne qui n'a pas d'habitude de jeûner le lundi et jeudi, il veut jeûner après les 15 jours. Elle ne peut pas pendant Sha'ban. Pendant Sha'ban, on ne peut pas jeûner après les 15 jours. Sauf celui qui a une habitude. Celui qui n'a pas d'habitude n'a pas le droit de jeûner après les 15 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Pour le compte livré A, non, si c'est un compte qui va te ramener des intérêts, alors il est de ton grand intérêt de ne pas y aller ouvrir ce compte d'intérêt. Il est de ton grand intérêt de ne pas ouvrir ce compte qui va te ramener des intérêts ici, hein, qui ne sont en fait que des péchés, des grands péchés, et qui va demain être y aller une hujja contre toi et y aller. Tu vas faire tout ton possible demain pour éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce ne sera pas possible. Juste, je rappelle pour les gens qui ne savent pas, ma'alish, Allah ta'ala dit, dhikr, fa'inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Le prophète alayhi sallam a dit que un seul, naam, il a dit que un seul dirham de riba, d'usure, d'intérêt qu'on te donne, il a dit, c'est comme si quelqu'un qui a fait 36 fois la fornication. Allahu Akbar. Imaginez, quelqu'un qui a fait la fornication. Faire la fornication, c'est un grand péché ou c'est pas un grand péché? C'est un grand péché. La preuve, si on est marié, on doit être lapidé jusqu'à la mort, tellement c'est grave. Cette personne, khlas, elle n'a plus le droit de vivre. On la liquide, elle part, khlas, elle part à l'au-delà, tellement c'est grave. Imaginez 36 fois. Pourquoi un seul dinar? Qu'en est-il des centaines et des milliers d'euros d'intérêt? C'est le premier hadith. Deuxième hadith authentique où le prophète a dit que l'usure, la riba, il a dit ça comportait 72 branches. Ça comporte 72 rameaux. Le plus petit rameau, le plus petit péché dans ces 72, c'est comme celui qui quoi? Celui qui fait la zina avec sa mère. A'oudhou billah, a'oudhou billah. Faire la zina avec qui? Avec sa mère. Dans un autre hadith, en plein rue, devant tout le monde. C'est même pas caché ou là, dans une maison. Subhanallah, a'oudhou billah, min shaitan rajim. Donc, pour ceux qui croient que c'est pas grave, c'est les intérêts, où tout le monde en fait maintenant, c'est la seule solution, la râle de tout le monde, je dois avoir une maison, je dois ceci, je dois cela. Taqullah subhanahu wa ta'ala, taqullah subhanahu wa ta'ala, taqullah subhanahu wa ta'ala. Pour la quatrième question, Il a dit, est-ce que c'est de la sunna? Naam. Quand on fait la deuxième prosternation, est-ce que c'est de la sunna de s'asseoir un peu avant de se relever ou bien de se relever directement? L'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que c'est de la sunna de s'asseoir un peu jusqu'à ce que les os reprennent leur place initiale. Ensuite, on se lève, bi'idhnillah ta'ala. Ça s'appelle la sunna de Jilset al-Istiraha. Jilset al-Istiraha. Et le prophète islam l'a appris aux sahaba, et entre autres à Wa'il ibn Hajr, et lui a dit, va chez ta tribu et apprends-leur la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est. Enfin, la personne qui dit, est-ce que je peux inviter mon frère et ma soeur chez moi, sachant qu'ils vont aller à la plage avec yani, des maillots de bain, etc. Non? Je dis, non? Si la personne qui pose cette question habite pas loin de la plage, de façon à ce que les gens, son frère ou sa soeur et son beau-frère, ou son frère et sa belle-soeur, j'ai pas bien le mot, c'est pas important, si elle les invite et elle sera elle la cause, c'est-à-dire ils sont venus chez elle, comme ça, ils seront proches de la plage pour y aller. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas les inviter. Ou alors, les inviter en donnant une condition. Voilà, je vous invite chez moi, mais à condition que, yani, quand vous êtes chez moi, vous n'allez pas à la plage. Mais quand vous voulez aller à la plage, vous allez directement de votre ville d'un autre endroit. Pas de chez moi, sauf bien sûr, si vous allez, je leur dis comme ça, sauf si vous allez dans un endroit vraiment désertique, où il n'y a personne. Ou alors dans un endroit, vous allez yani, habiller. Elle va rentrer dans la mer avec son hijab, ou la abaya, ou la tête couverte. Couverte, c'est ça. Ce n'est pas, yani, elle va se mettre en maillot et rentrer devant des hommes comme ça. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadhal. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je suis en train de découvrir les questions, donc excusez-moi. Barakallahu fikoum. La première question d'une sœur qui dit assalamu alaykoum. Une personne aimerait se reconvertir, inshallah, à l'islam. Elle est en couple avec un homme avec lequel elle a eu des enfants. Après la conversion, inshallah, elle va se marier avec cet homme qui est musulman. La personne a entendu dire qu'elle devra, après la conviction. Il y a un terme qui n'est pas clair. En tout cas, la personne a entendu dire qu'elle doit se séparer de cet homme pendant une certaine durée. Est-ce que c'est vrai? Combien de temps est cette durée? Après la conversion, que c'est écrit conviction. Donc, je reprends, cher. La personne, inchallah, va rentrer dans l'islam. Elle veut se marier avec l'homme avec qui elle est maintenant. Et elle a entendu dire qu'après la conversion, elle doit se séparer de cette personne. Donc elle veut savoir si c'est vrai. Et si oui, pendant combien de temps? Et si elle doit se séparer, peuvent-ils être dans le même appartement mais sans avoir de contact? Car cette personne ne saurait pas où aller avec les enfants. Ce n'est pas facile. La deuxième question d'une sœur qui dit, Ahsanallah ilaykoum, où doit se poser le regard lors du rukwa? On m'a offert un livre, Mubadi'un Nuqul fi Asbab al-Nuzul, de Sheikh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti. Suyuti, Allahu a'lam. S'agit-il du même Jalaluddin du tafsir Jalali? La troisième question qui dit Salam alaykoum, des femmes non musulmanes aimeraient, inshallah, aller à la mosquée. Doivent-elles faire leurs ablutions majeures ou mineures? Et doivent-elles se voiler à l'intérieur? La quatrième question d'une sœur ou d'un frère, Allahu a'lam, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. J'aimerais envoyer une sorte de rappel à mon père et mes deux frères, et pour cela, je vais renvoyer le verset de Sourate Yusuf qui dit Qala Rabbi, sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Et leur poser la question suivante: quelle force intérieure faut-il à un homme pour préférer aller en prison pour éviter la tentation des femmes? Donc, la question de la sœur, c'est: est-ce manquer de respect envers mon père que de lui envoyer également ce rappel, sachant qu'il est également concerné, au Allah Moustar. Et la cinquième question, la dernière, qui dit assalamu alaikum cheikh, barakallahu fikum pour ce que vous faites, wa jazakumullahu khayra. Une sœur m'a demandé de vous demander ceci. Elle a su il y a peu que son fils était autiste et les médecins lui ont dit qu'il resterait ainsi à vie. La sœur voudrait savoir la signification de cet handicap dans la religion ainsi que ses remèdes. Peut-elle utiliser Tibb an-Nabawi, la médecine prophétique? Et comment doit-elle faire, Inch'Allah? Pourriez-vous vous renseigner? Barakallahu fikum, cher. Fika barakallah. Si c'est possible de répéter le nom du savant, Nam, dans la deuxième question. Elle a cité deux savants, ou là, un savant, est-ce qu'elle a dit est-ce que c'est le même savant que l'autre? Quels sont ces deux savants? Elle dit Wahda. Et pour la cinquième question, c'est quoi autiste? J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire autiste. Fadal. Barakallahu fikoum, cheikh. Bon, pour le savant, je mets le nom sur le salon. Cheikh Jalal Din Abdurrahman ibn Abi Bakr Suyuti. Il s'agit-il de même Jalal Din du Tafsir? Et autiste, Allahu alim, c'est que la personne n'entend pas. Ne pourra pas entendre et va avoir cette maladie toute la vie. Donc, est-ce qu'il y a des remèdes dans Tibb an-Nabawi? Allahu alim. طيب بسم الله الرحمن الرحيم pour la première question et la femme qui avait des relations avec un homme et qui maintenant veut rentrer en islam Naam. Elle n'a pas dit c'est pour ça que je te pose la question maintenant elle n'a pas dit si son mari il a été musulman ou il a été kafir et s'il était kafir est-ce que lui il est rentré en islam تفضل. Quand j'ai répété, bah, j'ai pas dû le dire, son mari est musulman actuellement. C'est elle qui va rentrer dans l'islam bientôt, Inch'Allah. Mais son mari est déjà musulman. D'accord. Maintenant, puisque elle veut se reconvertir et par la suite se remarier avec cet homme, il y a quelques conditions. La première, il faut que les deux fasse le repentir. Ils ne peuvent jamais se marier si quoi? Si, bien sûr, elle, après qu'elle soit rentrée en islam, il faut que après cela, yani, ils fassent le repentir. Et que les deux regrettent, naam, regrettent beaucoup d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Sinon, le mariage ne sera pas yani, valide, il sera nul. Car c'est une condition yani, inéluctable. Aussi, ils doivent se séparer dès maintenant. Dès maintenant, ils deviennent l'un pour l'autre des étrangers. C'est comme s'ils ne se connaissaient pas. S'ils se parlent, ils se parlent comme je parle à une étrangère que je rencontre dans la rue. Ou bien qu'une étrangère me rencontre dans la rue et me dit, s'il vous plaît, où se trouve le boulanger, ou bien où se trouve telle adresse ou là. Ça, c'est pas interdit. Non. Ensuite, elle doit rester, hein, pour pouvoir se marier, ils doivent se quitter pendant au moins la période d'une menstrue. Hein. Si maintenant cette femme a les menstrues, cette période ne compte pas. C'est à partir de la purification qu'elle attend jusqu'à ce qu'elle ait les menstrues. Ensuite, hein, quoi? Ensuite, quand elle se purifie, elle va se purifier. Ça veut dire que son délai de viduité est terminé et maintenant, s'ils ont fait tawba, ils peuvent se marier, avec deux témoins, le tuteur de la femme, la dot, et s'il y a d'autres conditions, ça c'est entre eux. Nam. Maintenant, pour la période de viduité, nam, ils ne doivent pas être ensemble dans le même appartement, sauf cas de force majeure. Si c'est un cas de force majeure, nam, alors dans ce cas, yani lui il prend une chambre et elle prend une chambre, mais comme j'ai dit, ce sont des étrangers. Nam, ce sont des étrangers jusqu'à ce que la période de viduité se termine. Sinon, chacun doit être loin de l'autre, nam, jusqu'à ce qu'il y ait le mariage. Ensuite, après le mariage, nam, après le mariage, les enfants qu'elle a eue avec cet homme sont les enfants de la mère et non pas les enfants du père, car ils ont été conçus hors mariage. Mais ces enfants, nam, pour le père, ce sont quoi? Ce sont des beaux-fils. Nam, ce sont ce qu'on appelle rabaib. Ce sont rabaib, c'est-à-dire que la fille peut se dévoiler devant son père biologique, car il vient de se marier avec sa mère. Seulement, il n'est pas son tuteur pour la marier plus tard. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour cette question. Pour le regard pendant le ruku', quand on est dans le ruku', le regard doit être dans l'endroit où on va faire la prosternation. Naam. Quand je suis dans le ruku' incliné, je tombe bien ma poitrine et mon buste, et je relève un peu ma tête. Je la descends pas pour voir entre mes jambes, mais je la relève un peu pour que mon dos soit vraiment, fasse vraiment un angle de 90 degrés avec mes jambes, hein, de façon à ce que si on mettait un verre d'eau plein, rien ne coulerait du verre d'eau. Et je regarde où? Je regarde là-bas devant moi, à 1 mètre, où je vais me prosterner, bi'idhnillahi ta'ala. C'est là-bas qu'on regarde. Quant au savant, Jalaluddin Suyuti, ce n'est pas celui de Jalalain. Ce n'est pas celui qui a le livre Jalalain où il y a les deux savants. Car Jalalain, ce n'est pas un savant qui s'appelle comme ça. Mais deux savants. Car deux savants l'ont écrit. C'est pour ça qu'on dit Jalalain. Naam. Reste à savoir qui sont ces deux. Qui sont ces deux-là? Naam. Le tafsir est loin de moi. Je vous dirai, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Ça y est. Maintenant, pour les femmes musulmanes, pour les femmes non musulmanes qui veulent aller à la mosquée, est-ce qu'elles doivent faire les grandes ablutions ou bien les petites? On va voir pourquoi elles veulent aller à la mosquée. Si c'est avec l'intention de voir c'est quoi la mosquée, c'est quoi la prière, c'est quoi l'adoration, c'est quoi l'islam, dans le but de yani se reconvertir, par exemple, ou d'avoir une idée pour se reconvertir, dans ce cas, elles peuvent entrer même avec, yani, sans, ou plutôt sans, c'est pas avec, même sans ablution, ni petite ni grande. Car, là, ce qui est interdit au kuffar, c'est la mosquée de la Mecque, là, le haram. Et celui-là qui est interdit, il y a un verset spécialement pour cette mosquée. Il est interdit aux kuffars de rentrer dans cette mosquée. Quant aux autres mosquées, on va voir pourquoi le kafir veut rentrer. S'il veut rentrer pour prendre des photos et pour aller comme touriste, il va rentrer avec un short et une cigarette et un appareil photo, celui-là, on lui interdit d'entrer. Que ce soit un homme ou une femme. Et s'il veut rentrer juste pour voir, et aller, comme j'ai dit, avec le but de se reconvertir, etc., hein, si c'est une femme, on la laisse rentrer comme ça de loin. Ça ne se rapproche pas si c'est possible. On lui dit de mettre aussi un foulard avant de rentrer si c'est possible. Non, on ne peut pas l'obliger. Et je n'ai pas obligé qu'elle soit, comme j'ai dit, avec les ablutions. Enfin, la quatrième question, pour celle qui veut envoyer soit Youssouf à son père, etc. Non, c'est un bon exemple, ce verset. Reste le contexte. Reste, on ne va pas envoyer à son père un verset seulement et le traduire. Mais il y a une introduction, il y a quelque chose auparavant, ensuite, il y a le verset. C'est cette introduction et ce contexte qui doit être vraiment quoi? Qui doit être plein de sagesse, bismillah ta'ala. Et ensuite, il y a un verset à la fin ou là au milieu. Ce n'est pas on va être violent avec lui et le brusquer et lui dire, regarde, Yannick, tu n'es pas comme Youssouf, toi tu es un pervers. Alors que Youssef fait ceci, cela, non. Mais avec sagesse, avec hikma, on lui dit, regarde comment Youssef alayhi salam, comment il était, qu'est-ce qu'il a répondu, etc. Là, enfin, pour la maladie et l'autisme, etc. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi cette maladie. Il faut que je sache c'est quoi cette maladie pour pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la médecine prophétique où il n'y en a pas. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb al-Arsh al-Azim, en yishfi hadha al-walad. شوية هاد المريض. تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher les questions. Les cinq questions qui avaient été lues et où il n'y avait aucune réponse qui avait été apportée. Le problème, Yannis, c'est que j'avais tout mis dans un dossier et j'ai plein de fichiers questions. Donc, s'il y a l'une des personnes, Inch'Allah, ce soir, qui se reconnaît dans les cinq questions qui avaient été lues et dont aucune réponse n'avait été apportée, qu'elle vienne me contacter en PV ou là directement le frère Alpha Waïd et qu'elle lui parle de la question, Inch'Allah, juste pour que je sache où retrouver ces questions. J'ai trop de fichiers. Donc, à Afwan pour ces personnes et à Afwan cher. Tfadal cher. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour revenir à la personne qui avait posé la question sur le Jalalain. Naam. Quand j'ai dit au début, j'ai dit que ce n'était pas lui, car naam, j'ai cru que la personne a cru que, puisque Soyote s'appelle aussi Jalalain, j'avais cru que elle avait cru que le Jalalain, ça veut dire que le mot Jalal. Donc c'est la même chose que le Jalalain de Soyoté. Mais j'ai voulu lui dire que le Jalalain, ça veut dire yani, les deux éminents savants. Les deux éminents savants, ça sont des tafsirs Jalalain. Le tafsir des deux éminents savants. J'ai dit, restez à savoir, c'est qui ces deux éminents savants. Entre autres, parmi les deux, justement, il y a Soyoté. Naam, Soyoté, dont elle a posé la question, est l'un des deux. Et l'un des deux savants qui ont yani, écrit Tafsir al-Jalalayn. Naam, tafadhal. Donc je lis la suite des questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Je vous écris au sujet d'une sœur qui a perdu sa mère il y a moins d'un mois. Elle s'est rendue dans son pays afin de régler les affaires de sa mère, mais depuis son retour, elle a une très grande crainte de la mort. Elle a beaucoup de mal à s'endormir, ressent souvent des palpitations, des douleurs dans le bas-ventre et une grande faiblesse dans les jambes. Et ce qui l'effraie le plus, c'est qu'elle voit des personnes en état d'éveil et quand elle dort, qui lui disent qu'elle va bientôt mourir. Pendant qu'elle fait son zikr ou sa lecture du Coran, elle entend une voix qui lui dit que c'est elle qu'on va enterrer. Tout cela la perturbe beaucoup et se passe surtout quand elle se rappelle d'Allah. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire pour que tout cela disparaisse. Cette crainte, alhamdoulilah, est une cause pour qu'elle se rapproche d'Allah, mais en même temps, elle est extrême, trop extrémiste. Que lui conseillez-vous? Jazakumullah khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir s'il était halal pour une étudiante de prendre une mutuelle pour couvrir ses biens. Ses besoins de santé, uniquement payer les docteurs, prise de sang, etc. Dans quel cas prendre une mutuelle est toléré en islam et dans quel cas ne l'est-il pas? Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Il y a quelque temps, nous nous sommes retrouvés contraints avec mon mari de contracter un crédit à la consommation d'un montant de 5 000 euros. Aujourd'hui, il nous reste 2 ans à payer et nous avons la capacité de recouvrir ce crédit. J'aimerais donc savoir si nous sommes dans le péché, si on attend la fin du crédit ou doit-on le recouvrir dès qu'on a la possibilité. Jazakumullah khairan pour vos cours qui m'apportent beaucoup. Qu'Allah vous accorde le Firdaous. Question suivante. Salam alaikum cher. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a vu Allah Ta'ala dans son songe et qu'il a même senti la froideur de ses doigts entre sa poitrine. Cher, pouvons-nous déduire qu'Allah Ta'ala a des doigts froids et que ceci fait partie d'un de ses attributs dans sa description? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Dernière question. Salamu alaikum. Jazakumullahu khairan pour vos cours. Est-ce qu'il est possible d'utiliser de la laine pour mettre dans les cheveux? Mais ce n'est pas pour les allonger. Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Voyez, je commence moi-même par poser quelques questions. Dans la première question, elle avait dit qu'elle avait perdu sa mère, Allah Yarhamha. Entre autres, à la fin, elle a dit qu'elle était trop extrémiste. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Et quel est le rapport avec Annie la question? Pourquoi elle a dit cela? Yani, pourquoi elle a dit cela? Ça change en quoi Yani, ma réponse? Le fait qu'elle soit trop extrémiste, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, trop extrémiste? Elle applique trop ou là, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, j'attends sa réponse. Et pour la troisième question, là, celle qui avait dit que si elle devait payer le crédit maintenant ou pas, je dis, si elle ne paye pas maintenant le crédit, est-ce qu'il monte avec les intérêts ou bien c'est toujours le même? C'est toujours la même somme qui ne bouge jamais. Et enfin, pour la laine dans les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire on ajoute la laine dans les cheveux? Et c'est dans quel but? Non, très bien. Non, mais cher, j'ai pas entendu la deuxième chose que vous avez demandé. Pour la première, je pense, wallahu alam, qu'elle parle par rapport au din, qu'elle est dans l'extrême. Yani, je pense que y a pas de précision en fait dans la question, donc je pense que c'est par rapport au din, puisque juste avant elle parle du rapprochement d'Allah. Donc à mon avis, c'est dans l'adoration, là, dans les actes, elle va trop loin. Pour la dernière question. Par rapport à la laine et les cheveux, moi non plus, cher, je ne vois pas le rapprochement et Annie, il n'y a pas de détail non plus dans la question. Et enfin, pour la deuxième chose, j'ai pas entendu. Tfadal, cher. Pour la deuxième chose, j'avais dit, est-ce que si on ne paye pas le crédit maintenant, est-ce qu'il va yani, augmenter? Il y a des intérêts ou là il reste toujours le même, le crédit? Il reste toujours le même comme ça, jusqu'à ce qu'on le paye. Sahi cher, je ne sais pas comment ça fonctionne les crédits. Donc, Inch'Allah, la personne qui a posé la question sur le crédit, qu'elle vienne en PV en m'expliquant en fait si le crédit est réglé dès aujourd'hui, est-ce qu'il y aura moins d'intérêt? Inch'Allah. Tfadal cher. Non, donc la personne. Non, cher, la personne pour le crédit, elle me dit que c'est la même somme pour tous les mois, ça ne sera pas augmenté. Wallahu alam. Non, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ce qu'on veut savoir. En fait, Cher demande si par exemple on attend les 2 ans de ce qui reste au niveau du crédit, est-ce que la somme au niveau des intérêts donc sera plus importante si on la règle dans les 2 ans, cette somme, ou est-ce qu'elle sera donc est-ce que les intérêts en fait s'arrêtent au moment où la somme sera réglée? Donc par exemple, si je règle la somme aujourd'hui, est-ce que les intérêts des 2 ans vont être il n'y aura pas d'intérêt tout simplement. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose qu'on règle dans 2 ans ou là aujourd'hui? Est-ce que c'est pareil? C'est ça que le cher veut savoir, Inch'Allah. Non. Donc cher, la personne ne sait pas. Elle me dit je ne sais pas. Donc cette personne ne sait pas et Nam, donc la personne pour la laine, donc c'est moi qui ai posé la question pour la laine, Nam, donc expliquez c'est quoi l'intérêt en fait la laine et les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tfadal cher. Oui, vous m'entendez? Oui, pour celle qui a perdu sa mère, puisse Allah subhanahu wa ta'ala envelopper sa mère de sa miséricorde, lui pardonner ses péchés et la faire rentrer au paradis. Naam. Maintenant, ce qu'elle entend, etc. Naam. Est-ce qu'elle. Une peur extrême. Naam. Donc, maintenant, ce qu'elle entend, etc. Naam. C'est quelque chose de presque normal. Vu Annie qu'elle a été vraiment touchée, et que peut-être bien sûr c'est venu comme ça, yani, sans qu'on le sache. Et yani, des fois ça nous touche tellement que lorsqu'on ne dort pas, yani, des nuits et des nuits, et qu'on est comme ça bouleversé, ça nous arrive de voir des choses et d'entendre des choses, etc. Mais je tiens à rassurer la personne que bien sûr tout ce qu'elle entend et tout ce qu'on lui dit n'est pas vrai. Non. Que ce ne sont que ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que non, tout ce qu'on te dit n'est pas vrai. Comme quoi c'est toi qui vas mourir, c'est toi qui vas être enterré, c'est toi qui vas la rejoindre, très bientôt tu vas la rejoindre dans la tombe, etc. Tout ça n'est pas vrai. Tout ça vient ou bien de nous, parce qu'on est presque en état de dépression, ou bien parce qu'on est vraiment, vraiment fatigué et éreinté et vraiment faible, ou bien parce que c'est un djinn qui nous parle, hein, qui a profité de l'occasion, de cette grande faiblesse, et qui est avec nous et qui parle. Et bien sûr, tout ce qu'il dit, c'est mensonge sur mensonge. Non. Donc, la solution serait quoi? Serait de s'agripper, de s'accrocher, non, à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul, revenir beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, non, savoir que ce qui est arrivé, c'est-à-dire la perte de la mère, est une chose qui doit arriver. Et que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et que tous les prophètes qui sont les meilleures créatures d'Allah azzawajal ont perdu aussi leur mère. Non, ont perdu, beaucoup d'eux ont perdu leur mère, alors que ce sont les personnes les plus chères au monde. S'il y avait une personne qui ne devrait pas perdre sa mère, ses parents, c'est le prophète alayhi salam. Alors que lui aussi, il était, yani, il a vécu. Comment qu'on dit avec yatim, orphelin. Donc, elle fait le tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala et elle s'agrippe bien au Coran et la Sunna et yani, elle fait des doigts à sa mère et yani, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger son cas. Ensuite, inshallah ta'ala, ça va passer bi'idhnillah azza wa jal. Surtout, elle ne doit pas rester beaucoup pendant cette période, beaucoup seule et isolée. Alors, quand on est seul, on commence à penser à ces choses. Elle doit beaucoup être avec sa famille, avec des sœurs, au moins avec des livres, ou bien à écouter des cours et comme ça. Non. Pour la deuxième question. Surtout, yani, ne pas dormir seul. Non. Surtout, ne pas dormir seul, bi-idhnillahi ta'ala, mais dormir avec quelqu'un, bi-idhnillahi ta'ala, qui nous tiendrait compagnie. Pour la question de la mutuelle, pour la question de la mutuelle, on va dire, la mutuelle qui est permise et celle qui n'est pas permise, la différence entre les deux, c'est que la mutuelle qui est permise, c'est celle où, non, si je, attendez, je cherche le verbe, si je, c'est pas je m'associe, comment qu'on dit un cherk, si je, donnez-moi le verbe, je l'ai oublié. Disons, si je participe, Non. si je participe, voilà, je m'associe ou bien je participe, et yani, ce qu'ils vont me donner et me payer, etc., ce sera yani, une aide de cette mutuelle, une aide de l'État. Mais si maintenant je participe à une mutuelle et leur but, c'est de ramasser de l'argent, non, ensuite je ne sais pas. Si on va m'aider ou on ne va pas m'aider, dans ce cas, c'est interdit. Ça rentre dans le qimar, ça rentre dans la loterie. Je donne de l'argent comme ça et je ne sais pas si un jour on va me donner ou on ne va pas me rembourser. Je ne sais pas. Mais maintenant, si je donne et je sais qu'on va me rembourser, même si on me rembourse plus, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que moi, je ne les ai pas obligés. Je n'ai pas obligé à ce qu'ils me donnent plus. C'est eux qui veulent m'aider à payer les médicaments, m'aider à payer des soins, etc. Et ça, bon, on dit, ce genre de mutuelle, cette sorte, est permise, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Pour le crédit, la troisième personne, quelqu'un qui a fait un crédit de haram, avec des intérêts, ensuite, a regretté, et veut faire la tawba, parmi les conditions de la tawba, c'est quoi? C'est que, il doit payer, au plus vite, na'am, ce crédit et s'en débarrasser. Et ne pas laisser le crédit traîner comme ça pendant des années et des années, à longueur des années. La preuve que j'ai regretté, c'est que j'ai pris tout mon argent et je suis allé directement payer le crédit. Comme ça, pour arrêter les intérêts et m'en débarrasser, yani, dès que j'ai eu l'occasion. Voilà une preuve que j'ai vraiment regretté et que je suis prêt à donner tout ce que j'ai comme argent pour arrêter ce péché. Voilà, inchallah ta'ala, pour la réponse. Pour la personne qui a dit qu'il y a un hadith où le prophète sallam a dit qu'il avait vu Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah ta'ala, dans le songe, avait mis ses doigts sur la poitrine ou sur le buste ou là, entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il ait senti la froideur. Naam. Je dis, Al-Sunna ou Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Mais je n'ai jamais lu qu'ils disent que ses doigts étaient froids. Donc, nous, on se limite à ce qu'on dit Al-Sunna ou Jama'a dans la Aqidah. Al-Sunna ou Jama'a sont unanimes pour dire que Allah ta'ala a des doigts. Entre autres, vous connaissez le hadith que tous les cœurs de Bani Adam sont entre deux doigts de Rahman. Et que Allah ta'ala, le hadith dans le Bukhari, que Yom al-Qiyamah, il va prendre le ciel sur un doigt, la terre sur un doigt, les montagnes sur un doigt, et comme ça. Donc Allah ta'ala a des doigts. Mais dire que Allah ta'ala a des doigts froids, je n'ai jamais lu ça chez les salafs. Non. Même si, bien sûr, c'est cité dans ce hadith que le prophète islam avait senti la froideur. Non. Reste que peut-être, Allah ta'ala alam, peut-être que la froideur est venue du fait que il a senti que les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala ont touché ses épaules. Vous savez que quand une chose, par exemple, est tellement étonnante, tellement nous étonne, ou là, une nouvelle pour nous, ou là, vraiment, on peut ressentir une froideur, hein? On peut ressentir une froideur, au point que on peut même suer. Il y a de la sueur qui sort, mais au fond, c'est froid et ce n'est pas chaud. Ça existe, comme vous le savez. Hein? Peut-être que c'est en ce sens. Wallahu ta'ala alam. Quant à la laine dans les cheveux, je n'ai pas compris, mais je dis que si c'est quelque chose qu'on ajoute comme ça, non, on ajoute une seconde, on ajoute 30. Afin, cher, c'est concernant cette question, c'est pour ça que je me suis permis de demander le micro. Donc la personne m'a dit apparemment la laine, ça sert à faire une coupe de cheveux pour des cheveux crépus qui permettent de les faire pousser plus rapidement. Donc en résumé, elle m'a dit que ça servait à ça la laine. Muslim, où est-ce qu'on va mettre cette laine? J'ai pas compris. On va l'attacher sur notre tête ou là on va l'attacher avec nos cheveux? J'ai pas compris. Parce qu'on va la planter. On va la planter. Non, moi je dis, si on va mettre un peu de laine comme ça, on va l'ajouter à nos cheveux. Non, c'est juste pour des rajouts comme ça. Des rajouts pour être plus beau là, pour c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est de rallonger les cheveux, de rallonger les cheveux, hein, pour faire de sorte que on paraisse qu'on a des cheveux par exemple longs alors qu'ils sont courts, etc. Ce sont pas nos vrais cheveux, comprenez. Mais les rajouts comme ça qu'on ajoute pour être plus belle, pour être comme ça, alors que tout le monde sait que c'est des rajouts comme ça avec des couleurs. Des choses comme ça sur la tête avec des couleurs, etc. Ça, c'est permis. Idnillah subhanahu wa ta'ala. Très bien. D'autres questions, inshallah. أخي الفوائد ساتوين إن شاء الله تفضل أخي Peut-être qu'il est allé mettre de la laine sur ses cheveux, là. Tant qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il est allé mettre de la laine sur ses cheveux. وخير إن شاء الله الشيخ كم إلي بلا Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps, on va lire les questions suivantes. Naam. Soit il n'est pas là, soit il a un problème avec la connexion. Salam alaikum. Voici ma question, cher. J'ai de l'argent haram et je m'en débarrasse, alhamdoulilah. Et je sais que je ne dois surtout pas me nourrir et m'habiller avec. Mais que dois-je faire des biens achetés avec cet argent haram? Exemple, meubles, télévision, voiture, etc. Dois-je m'en débarrasser ou puis-je les garder? Et les vêtements achetés alors que je ne savais pas que la musique était haram et que je ne pouvais pas m'habiller avec cet argent, est-ce que je dois aussi m'en débarrasser? Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une femme a-t-elle le droit de faire du vélo en djilbab avec son mari dans un endroit isolé, sachant que la femme fera en sorte de couvrir avec son djilbab de façon à ne pas laisser paraître ses atours. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Salam alaikum. Tout d'abord, qu'Allah vous récompense pour ce magnifique cours. Comme vous le savez, la fille qui se marie doit garder le nom du père. Mon cas est un peu spécial. Je suis issu d'une zina et je n'ai jamais porté le nom de mon père. Je porte le nom de ma mère. Je me suis marié et je souhaiterais savoir si je dois prendre le nom de mon mari ou garder le nom de ma mère. Qu'Allah vous accorde à tous le paradis. Amin wayak. Question suivante. Salam alaikum ya cher, je suis actuellement en Égypte et je suis inscrit dans une école Ibena. Cette école me coûte cher. Je voulais donc acheter leurs livres et les faire avec un professeur autre que l'école pour bien avancer et que cela me coûte moins cher. Cette école nous interdit de faire cela avec leurs livres. Que disent les savants? Que conseillez-nous? Que conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Donc dernière question, inshallah. Assalamu alaikum. Durant le mois de Ramadan, une femme peut-elle faire les raka'a de Taraweh au milieu de la nuit afin de faire en même temps le qiyam ou doit-elle faire le Taraweh après Salat al-Isha et le qiyam plus tard? Barakallahu fikoum. Une femme peut-elle faire les raka'a de Taraweh au milieu de la nuit afin de faire en même temps le qiyam ou doit-elle faire le Taraweh après Salat al-Isha et le qiyam plus tard? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Donc, Samahat, pour la quatrième question, tu pouvais la répéter, Inch'Allah Ta'ala. Non, cher, il n'y a pas de problème, inchallah. Je suis actuellement en Égypte et je suis inscrit dans une école Ibena. Cette école me coûte cher. Je voulais donc acheter leurs livres et les faire avec un professeur autre que l'école pour bien avancer et que cela me coûte moins cher. Cette école nous interdit de faire cela avec leurs livres. Que disent les savants? Que conseillez-vous? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Pour la première question, hein, qui a parlé d'argent haram et d'argent de musique, etc., je dis, la personne qui, lorsqu'elle avait gagné cet argent, ne savait pas que c'était haram. Ensuite, l'a su après, elle ne doit plus se débarrasser de son argent, car elle l'a acquis dans un moment où elle ne savait pas que c'était haram. Ce n'est pas comme si quelqu'un sait que, par exemple, la musique est haram et il va maintenant chanter ou faire un gala ou là. Dans ce cas, son argent est haram, mais il sait que c'est haram. Vous comprenez? Alors que l'autre ne savait pas. Et maintenant, il a appris que la musique était haram. Maintenant, son argent est halal. Donc, tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a, yani, il le garde. Il le garde. Nam. Et il ne s'en débarrasse pas. Bidna ta'ala. Pour la personne qui a parlé de vélo en djilbab, etc., elle avait dit que c'était dans un endroit isolé. Si elle veut dire isolé, si elle veut dire isolé, c'est-à-dire que yani vraiment, vraiment isolé, comme par exemple une villa, ou par exemple, c'est vraiment, yani, il y a un mur et c'est enfermé, etc. Dans ce cas, bien sûr, c'est pas la peine de dire que elle n'est même pas obligée de mettre le djilbab, puisqu'elle est, yani, dans sa maison et que, yani, l'endroit est vraiment, yani, interdit à un homme étranger. Maintenant, si elle veut dire par isolé, comme une forêt, etc., naam, dans ce cas, si elle fait le vélo, elle doit être, naam, comme ça, comme elle a dit, en djilbab bidnillah subhanahu wa ta'ala, naam, et faire de sorte que, yani, que on ne voit rien d'elle, bidnillah subhanahu wa ta'ala, naam. Et il n'y a pas, inshallah ta'ala, d'interdiction. Pour le nom de la mère, la personne qui est issue de zina et qui a le nom de sa mère, et maintenant elle s'est mariée. Est-ce qu'elle prend le nom du mari? Elle ne le prend pas. Elle reste avec le nom de sa mère, bi-idhnillahi ta'ala, car c'est interdit de prendre le nom de qui? Le nom du mari. Naam. Pour le livre, naam. Maintenant, si j'ai acheté un livre, naam, et que la personne nous l'a interdit que j'utilise ce livre à, par exemple, avec un autre professeur ou là, ce n'est pas de leur ressort d'interdire une chose pareille. L'essentiel, moi, le livre, quoi, je ne l'ai pas volé. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Maintenant, s'il y a une autre personne qui peut me faire comprendre ce livre ou bien m'enseigner ce livre et qui est moins cher ou bien qui est plus compétente, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi ils vont faire comme condition que je n'ai pas le droit d'utiliser. Naam. Enfin, pour Tarawih et Qiyam, naam, cela dépend de la personne. Si elle veut faire Tarawih juste après l'Isha, elle le fait après l'Isha. Si elle veut, elle laisse pour y aller la moitié de la nuit ou bien le dernier tiers ou là, elle est libre et encore, je crois que ce serait mieux. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal. Naam, cher, alhamdoulilah, il y a une personne qui des 5 questions de la dernière fois qui est venue me contacter. Et donc c'est bon, j'ai le fichier, inchallah, que j'avais enregistré. Donc je vais vous lire les 5 questions, cher, de la dernière fois. Salam alaikum, cher. Je travaille actuellement dans un institut de sondage. Naam, tfada, cher. Ça y est, tu vas lire les 5 questions. Mais tu viens de dire que il y a une personne qui est présente. Donc s'il n'y a qu'une, on va lire seulement sa question à elle. Ce n'est pas la peine de lire les 5 si 4 sont absents parmi les 5. Hein? Football. Non, cher. Je vais juste lire les pseudos, Inch'Allah, pour qu'ils se reconnaissent. Et que s'ils sont là, ils viennent me voir en PV, Inch'Allah. Comme ça, je lis leurs questions. Donc la première, c'est bon. Après, il y avait Abu Aïcha sur le salut de la mosquée. Donc, Inch'Allah, si ce frère est là, il vient me le dire en PV. Il y avait Sana. Donc, également, si elle est là, qu'elle vienne me voir en PV. Et après, il y avait Anonyme 44. Donc, Inch'Allah, si cette personne est là et qu'elle se reconnaît, qu'elle vienne me voir. Et la dernière, c'était Karim sur les attributs de l'acte et l'essence. Donc, la personne qui est là, c'est la première question. Donc, Salam alaikum, cher. Je travaille actuellement dans un institut de sondage. Nous posons des questions par téléphone aux gens. Il y a une enquête qui va commencer. On doit appeler des gens pour leur poser des questions sur leur mutuelle, assurance, si ça leur satisfait, etc. Mais nous ne vendons rien. Est-ce licite? Barakallahu fikoum. Non, donc j'ai Anonyme 44, cher. Donc cette personne est également là, elle vient de me contacter. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins, pour tout ce que vous faites, masha'Allah. Quelles sont les raisons qu'une femme peut demander à son mari pour divorcer? Entre parenthèses, exemple, plus d'amour, caractère incompatible, trop colérique, etc. Afin d'être sûr de ne pas faire des femmes qui ne sentiront pas le. Afin d'être sûr de ne pas faire partie des femmes qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, comme dans le hadith, wa barakallahu fikum. Et donc je vais lire 3 questions supplémentaires, inshallah. Assalamu alaikum. Est-il permis à la femme de demander pour dot l'équivalent d'une ou deux années de ce qu'elle donne par mois pour parrainer un orphelin, sachant qu'elle ne s'en servira pas pour elle, mais uniquement pour l'orphelin qu'elle parraine, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Barakallahu fikum pour ce que vous faites. Une sœur travaille dans une entreprise et elle vend par téléphone des produits qui engendrent pour celui qui achète un crédit bancaire. Elle aimerait connaître votre avis à ce sujet. Est-ce permis? Donc, dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le statut de quelqu'un qui fait souvent des serments à Allah et qui ne réussit pas à les tenir, mais les expie? Est-ce que l'expiation est suffisante pour qu'Allah lui pardonne? Est-ce que cela veut dire que la personne est peut-être hypocrite, étant donné qu'une des caractéristiques des hypocrites est de ne pas tenir sa promesse? Pouvez-vous donner un conseil à cette personne, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous préserve? Tfadha, cher. Celui qui fait un serment à Allah subhanahu wa ta'ala doit tenir sa promesse. Allah ta'ala dit: yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Non. Quand on fait un serment à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de le transgresser. Bien sûr, yani l'expier, c'est la moindre des choses à faire. C'est pour corriger. Mais d'abord, on doit essayer de tenir la promesse. L'expier, c'est vraiment yani, le dernier recours. Le dernier recours. Non. Sinon, on doit quoi? On doit tenir serment. Car yani, ne pas tenir serment, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les péchés. Donc, je conseille à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire de serment aussi. Faire des serments, comme les savants, c'est makruh. C'est makruh, on ne fait pas de serment. Je dois, Inch'Allah Ta'ala, obéir à Allah Ta'ala et faire ce qu'il veut et délaisser ce qu'il a interdit sans que je fasse de serment. C'est comme ça. Maintenant, si j'ai fait un serment, je dois le retenir. Si maintenant je n'ai pas pu tenir le serment, au moins l'expiation. Mais comme cette personne ne tient pas les serments, il vaut mieux qu'elle n'en fasse plus, bi'idhnillahi Ta'ala. Pour la mutuelle, pour la première question, non, sur la mutuelle, demander sur la mutuelle, etc. Non. Il y a certains savants qui ont dit que ça pouvait y en y passer. Ça pouvait passer, ça pouvait ne pas être interdit. Ils ont dit, car il faut faire la différence entre le waqi', c'est-à-dire la réalité, et entre y en y pousser quelqu'un à faire une chose. C'est un peu, c'est comme si y en y, je vais chez, par exemple, mon avocat. Et je lui ai dit, par exemple, quand tu es avocat, quelqu'un va te dire, voilà, j'ai bu 10 bières, par exemple, et j'ai volé 100 euros, etc. Ensuite, j'ai fait telle et telle chose. Toi, tu es en train de marquer, par exemple, tu es en train d'inscrire une réalité. C'est pas toi qui lui as dit, va boire, ni vole, mais tu es en train d'inscrire ce que font les gens. Tu es en train d'inscrire une chose qui s'est déjà passée, qui est la réalité. Certains ont dit que dans ce cas, ça ne rentre pas dans le haram. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la personne qui a parlé de divorcer, quelles sont les causes? Les plus grandes, disons, causes qui sont possibles en islam, la première, c'est par exemple si ça ne marche plus entre les deux. Et que du matin au soir, ce n'est que des disputes. Du matin au soir, non. Et qu'il n'y a plus d'amour. Et que plus que cela, puisque cela, elle ne l'aime plus et le déteste au point où elle ne veut même plus lui donner ses droits. Ses droits que Allah Ta'ala lui a donnés. Ses droits de personnel et intime. Dans ce cas, la vie avec lui, c'est quoi? C'est se remplir de péchés. Dans ce cas, il vaut mieux que chacun aille, yani, de son côté, plutôt que, yani, vivre cette vie qui devient infernale. Mais d'abord et toujours avant le divorce, les gens essayent quoi? Essayent de trouver une solution pour que l'union dure, non. Et aussi, il est permis de divorcer si, par exemple, le mari ne fait pas la prière, ou alors s'il fait les grands péchés. Il boit de l'alcool, il fait la fornication avec les femmes, il boit de la drogue, il fume de la drogue. Tous les grands péchés, pour eux, s'il ne veut pas revenir après qu'on lui fait des nasiha, il est permis dans ce cas, de s'éloigner de lui. Non. Pour la troisième question, bien sûr, c'est permis, comme dot, de demander de quoi parrainer pendant 2 ou 3 ou 10 ans un orphelin. Car en fait, c'est quoi parrainer un orphelin pendant 2 ans? C'est de l'argent. C'est de l'argent que c'est une certaine somme. Et en islam, c'est permis même de demander comme dot, par exemple, même 1 milliard, 2 milliards. Donc ça, c'est tu es libre. Tu lui dis voilà ce que je veux. Et c'est libre à lui d'accepter cette chose ou de la refuser. Pour la quatrième question, la dernière, hein? Pour la quatrième question, la dernière, dit si je dois yani, parler au téléphone, etc., avec des gens, hein, et leur expliquer des choses qui, hein, s'ils acceptent, ça engendre un crédit, yani de haram. Je dis, réponse, si je suis sûr que, non, en lui montrant ou en lui expliquant ou là, il va être obligé de prendre un crédit, dans ce cas, ça devient haram de travailler ce travail. Si je ne sais pas, si je ne sais pas, mon but c'est d'expliquer telle et telle chose. Ensuite, lui, il est libre de contracter un crédit ou de ne pas contracter, et ce n'est pas obligé qu'il contracte un crédit de haram. Non. Dans ce cas, d'accord, c'est permis. Mais si je suis sûr que, en lui expliquant, s'il accepte, il n'a d'autre choix que le crédit de haram, le crédit où il y a riba et usure, dans ce cas, je ne travaille pas ce travail, car je pousse les gens, je suis là à les convaincre pour qu'ils prennent un crédit de haram. Donc c'est moi qui fais quoi? C'est moi qui fais la publicité aux gens. Non, je leur fais la publicité du crédit de haram pour qu'ils l'acceptent. Dans ce cas, c'est vraiment, yani, grave demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, et je conseille à cette personne, si c'est le cas, de yani, s'éloigner de ce travail, de commencer à chercher, avant de quitter ce travail, de commencer à chercher d'autres et à frapper dans d'autres portes et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire une issue. Car comme a dit Allah Ta'ala, quiconque craint Allah, il lui fait quoi? Il lui fait une issue, et le remplit de bien de la façon qu'il n'attendait pas. Voilà, inshallah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Bidnillah subhanahu wa ta'ala, pour se rencontrer, inshallah Ta'ala, dans 2 jours, samedi, inshallah Ta'ala. Bidnillah. Naam, cher Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense, vous préserve. Inch'Allah, c'est juste pour une précision sur la question du serment. Et la personne demande, est-ce que cela donc peut vouloir dire que cette personne est hypocrite? Et que peut-elle faire pour se faire pardonner d'Allah, mis à part l'expiation? Tfadal, cher. Alhamdoulilah. Je tiens à rassurer cette personne qu'elle n'est pas hypocrite. Non. Le prophète, quand il a cité que l'hypocrite, c'est celui qui ne tenait pas serment, il ne parlait pas de ce genre de serment. Au contraire, celui-là, il fait un serment à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, par faiblesse, par tentation, par ceci, il le délaisse. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui qui, non, je sais que demain je suis absent, par exemple, et je te donne rendez-vous, je te dis, à 12 h, on va se rencontrer devant la tour Eiffel, Inch'Allah, je vais te donner ta amana, etc. Alors que je sais que ce n'est pas vrai, et je ne vais pas être là demain, ni que je vais te donner ta amana. Je te dis, demain, on se rencontre à 12 h devant tel endroit. Subhanallah. C'est ça, l'hypocrisie. Tandis que celui-là, il fait des sermons pour yani, adorer Allah, pour yani, avancer, et ensuite, il a des faiblesses, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. C'est l'imam, mais qui de temps en temps faiblit. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanak allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا.